Existe-t-il dans une dimension inconnue des êtres capables de communiquer avec les humains? Des êtres détenteurs de secrets magiques? Des êtres capables de résoudre les problèmes qui excitent les hommes depuis des années? Ce récit pourrait nous en convaincre. Jean-Michel, dimanche prochain, je fête mon anniversaire chez ma sœur à Chantilly. Si tu es libre, ça me ferait plaisir que tu viennes. Jean-Michel est d'accord. Il faut dire que depuis qu'il a fait la connaissance de Grégoire Moulin, là-bas en Algérie, ils sont devenus une véritable paire d'amis, tous les réunis. Un même goût pour la littérature, un même sens de l'humour et de la dérision. À présent, qu'ils sont tous les deux revenus à la vie civile, il ne se passe pas de semaine sans qu'ils ne se fassent une petite bouffe dans un bistrot parisien. Ils partagent tout, les copains, les filles, deux amis inséparables. Le dimanche suivant est une journée magnifique. Daniel, la sœur de Grégoire, habite une petite maison à l'orée de la forêt de Chantilly. L'atmosphère est campagnarde. Grégoire fait les présentations. Maman, ma sœur Daniel, Salomon, mon beau-frère, et voici Chantal, ma nièce, qui va être vétérinaire. Tout ce petit monde est très sympathique. Daniel a préparé un déjeuner simple mais raffiné. Le vin est généreux et tout le monde fait honneur au repas. Au moment du café, on se demande comment on pourrait bien continuer la journée. Une promenade en forêt? On en a déjà fait une très longue ce matin en guise d'apéritif. Tout le monde a déjà visité le château et les grandes écuries. Jean-Michel dit « Est-ce que ça vous amuserait de faire un peu de spiritisme ?» Étrange question à un moment étrange. Grégoire demande « Ah bon, pourquoi tu es médium ?»« Non, pas vraiment. Enfin, disons qu'avec moi, ça marche. » Grégoire dit « Eh bien, c'est curieux que tu proposes ça. Parce que dans la famille, nous sommes médiums. Maman et moi, on s'amusait à faire sauter les guéridons quand j'étais plus petit, et Daniel aussi. Mais on n'y a pas prêté trop d'importance. Et le curé a dit à maman que c'était des diableries. Alors on n'y a plus pensé. » Chantal, la nièce de 13 ans, est enthousiaste. « Oh oui, faisons tourner les tables, je voudrais voir ce que ça fait. » Salomon, le beau-frère, bourre sa pipe. Il est un peu sceptique et pas du tout porté vers les domaines mystiques. « On ferme les volets ? Ben pourquoi il fait beau ? Autant laisser le soleil rentrer. » Quel est le système que tu préconises? Moi, j'aime bien le verre renversé et les lettres de l'alphabet. Jean-Michel explique cette façon d'interroger l'au-delà. Les entités qui viennent faire bouger le verre frôlé par les doigts des médiums, les messages lettre par lettre. J'espère que ça ne sera pas long, sinon tant pis. Toute la famille, Salomon excepté, tend un doigt vers le verre renversé. Et l'attente commence. Pas trop longue, il faut le dire. Ça y est, je sens quelque chose. Le verre bouge. Qui es-tu? Le verre va toucher les lettres. Daniel touche le verre d'une main et note les lettres de l'autre sur un bloc de papier. N-O-T-I-V-O. Notivo. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tu lui demandes son nom, il te le donne. Notivo, c'est comme ça qu'il s'appelle? Ça n'a pas l'air français. De quel pays es-tu? N-O-R-V-E-G-E. Norvégien? Un Norvégien, c'est pas banal. En tout cas, il comprend bien le français. À mon avis, les esprits de l'au-delà n'ont pas besoin de traducteurs, ils doivent comprendre toutes les langues. Où es-tu? La réponse vient sans hésitation. Je suis en enfer. La famille Moulin reste un moment silencieuse. En enfer, ça fait quand même un drôle d'effet. C'est quoi l'enfer? Je suis seul. Pourquoi es-tu en enfer? Et lettre par lettre, la réponse arrive. Parce que j'ai défié Dieu. Il s'agit donc d'un damné. Mais rien n'indique une souffrance atroce. Il faut en savoir davantage. Jean-Michel demande à haute voix, que faisais-tu dans la vie? J'étais moine. De quoi es-tu mort? De la varicelle. Grégoire dit, c'est pourtant pas une maladie mortelle. Jean-Michel le doit toujours coller au verbe baladeur rectifie. Aujourd'hui, non. Mais j'ai lu qu'au Moyen-Âge, il y avait eu des épidémies mortelles de varicelle. On continue l'interview de Notivo, moine norvégien qui veut bien faire des confidences. On n'est pas au bout des surprises. Chantal, la petite nièce, lance une question qui la préoccupe. Où vivais-tu? Dans une ferme. Après tout, pourquoi pas? On pense que les moines norvégiens ont dû être assez près de la nature. Chantal, futur vétérinaire, obsédé par les animaux, demande soudain « Combien y avait-il d'animaux dans la ferme ?»« Grégoire Larabeau, tu parles d'une question. Qu'est-ce que ça vient de faire, combien y avait d'animaux dans la ferme ?» Mais Notivo Bonnepatte veut faire plaisir à la petite et il se met en devoir de répondre, de manière surprenante. Délaissant les chiffres arabes qui sont posés sur la table à la suite des lettres, le ver promeneur se met à désigner la lettre « i », une fois, deux fois, trois fois. Jean-Michel, Grégoire, Daniel et la maman Moulin ont de la peine à suivre. Le ver leur échappe parfois, et il fait un va-et-vient entre la lettre « i » et le centre de la table. Mais qu'est-ce que ça veut dire « i, i, i, i » Mais non, ce n'est pas « i » qu'il nous montre, c'est le chiffre « 1 ». Il est en train de compter tous les animaux de la ferme. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, même pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer ce genre d'exercice, le ver va taper sur la lettre « i » ou le chiffre « 1 », comme on veut, plus de 1000 fois, 1234 fois exactement, pendant plus de 30 minutes sans interruption. C'est un peu lassant, mais Notivo a l'air si content de parler avec quelqu'un. Grégoire conclut « Pas de doute, il a tout compté, les vaches, les cochons, les chevaux, les chèvres, les poules, les canards, les élans. Ah, pour une question idiote, c'est une question idiote !» Maman Moulin demande « À quelle époque vivais-tu » Au XIIIe siècle. Bigre, c'est bien loin. Il est rare que des esprits se manifestent aussi longtemps après leur décès, 600 ans. Cet esprit doit avoir une belle énergie. Jean-Michel fait un rapide calcul. XIIIe siècle, un moine. Et immédiatement, une question lui vient aux lèvres. « As-tu connu les Templiers ?»« Oui, très bien. » Tout le monde retient son souffle. Une question s'impose, comme ça, pour voir. Sais-tu où se trouve le trésor des Templiers? Sans hésitation, le ver répond, oui, je le sais. Où est-il? À X. Où ça, à X? Près de la cathédrale. Comment reconnaître l'endroit? Notivo, sans réticence, donne alors tous les détails nécessaires. Il se trouve dans un bâtiment détruit, près de la cathédrale. Il y a un signe sur le mur, mais personne ne comprend ce que cela signifie. C'est très clair, mais personne ne comprend. Puis il ajoute, « Inutile d'essayer de prendre ce trésor, car seul un templier pourra le faire. » Toute la famille est sous le choc de cette révélation. C'est stupéfiant. On entre en contact avec une entité lointaine qui vous révèle tout à trac où se trouve l'un des trésors les plus fabuleux de l'humanité. Grégoire dit « Et si on prenait contact avec la municipalité ?»« Non mais tu nous vois arrivant et disant « Ça y est, on sait où est le trésor des Templiers. Il suffit de trouver un bâtiment détruit, non loin de la cathédrale, de déchiffrer un signe sur un mur pour que le magot soit à vous. Il nous fera enfermer. Rien ne prouve d'ailleurs qu'il y a un Templier dans le conseil municipal. » Ça ne fait rien, la séance se termine, le soleil se couche. Et après cette journée passionnante, il est temps pour Jean-Michel de regagner Paris avec le rêve d'avoir reçu une révélation surprenante. Grégoire dit pourtant, si ça se trouve, c'était un esprit farceur. Enfin, de toute manière, ça fait rêver. Le rêve va continuer, car quelques jours plus tard, Jean-Michel rencontre une relation qui fait dans l'ésotérisme. Il lui raconte la séance, on donne tous les détails, sans mentionner le nom de la ville de X. L'ami réfléchit un moment et dit « Notivo. Notivo. Ah oui, il me semble qu'il s'agit en effet d'un grand initié du Moyen-Âge. C'est très intéressant comme communication. » Quelques années plus tard, lors d'un voyage commercial, Jean-Michel arrive à X pour la première fois de sa vie et soudain les révélations de Notivo lui reviennent en mémoire. Il se précipite vers la cathédrale. Et là, il reste béat d'étonnement. Près de la cathédrale de X, il existe un petit square entouré d'une grille. Au centre, on voit les restes d'un bâtiment gothique détruit. Sur le pignon de la rue, en levant les yeux, Jean-Michel lit la plaque qui dit « Square du Trésor ». Les habitants d'X reconnaîtront de même leur ville.